avec tous mes regrets, mes doutes et mes audaces, avec toutes ces années qui ne tiennent pas en place, avec les sentiments qui meurent ou se déplacent, avec ce plein d'amour qui parfois me dépasse, ma vie n'est plus. Regarde là, par-dessus mon épaule, quand je pense tout bas au temps des années folles, je me sens nostalgique de ces ans qui s'envolent. Personne n'oublie jamais les bancs de son école, ma vie n'est plus. Qu'un an n'est plus. Ma vie n'est plus. Qu'un an n'est plus. Avec tous mes espoirs semés à tous les vents, avec tous mes retards qui resteront le long, avec la solitude de n'être plus vraiment, avec cette certitude de n'être plus enfant. Ma vie n'est plus. Regarde là, penché sur mon épaule, elle me parle tout bas, et puis elle me console. Cette vie qui un jour aura perdu le contrôle nous unira autour pour chanter mes paroles.